soir, on donne le coup d'envoi avec Sen Project, une formation allemande, le projet de Chris Engels, multi-instrumentiste. Je pense qu'on est rendu au troisième extrait de l'album The Story of Enja, second essai, incidemment, pour Sen Project pour 2024. Et la pièce qu'on va avoir ce soir, c'est The Quest for the Crystal Flower, et puis de Suède, Ritual, ça aussi je pense que c'est le troisième extrait qu'on présente, The Story of Mr. Bug, Part 1. Je viens tout juste de remarquer que c'est les deux titres, c'est The Story of, et ce soir ben, on va voir la pièce Forgotten Qualities, et puis Marc, par la suite ben, on passe du côté des États-Unis. Oui, et il s'agit de la formation Circuline, qui feront paraître le 20 septembre prochain leur troisième album qui a pour titre Core, et qui compte maintenant dans ses rangs le guitariste Dave Bainbridge. On aura pour vous ce soir la pièce Tempus Horribilis, et ce sera suivi d'un nouvel extrait du prochain album à venir de la formation norvégienne Mir. L'album a pour titre Wheels Within Wheels et sera lancé le 20 août prochain. Et pour vous ce soir, on aura la pièce Behave, mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec une pièce de la formation allemande Sen Project. Some fall. pursued its headlong course into the countryside. The road went on into the great outdoors, green lands on either side. Stretched out both far and wide. Hey, it's a pretty day. Let us park for a short while. So played in greens of trees. Bogged and vibed delight through every pore. Forgotten qualities. Stirred sensuous memories. Like a pool of costly ink with drowning. I stumble, trembling, time to wake. The rage had already tears unrelenting, a paradox, the nightmare. I

CKRL 89.1 vous comble de plaisir avec une offre exceptionnelle. Obtenez un T-shirt, un polo, une casquette, une tuque ou une bouteille en acier à seulement 20$ par article ou 50$ pour un lot de 3. Affichez votre amour pour votre station de radio préférée. En vente à la station, située au 405 3e Avenue, à Limoilou. CKRL. L'émission Illusion auditive vous revient avec une équipe composée de Jean-François Lamarre, France Carrier et Jacques Dulac. Les animateurs seront appuyés par des chroniqueurs qui aiment partager leur passion de la musique. Daniel Gagné avec son ABC du vinyle et Louis Hamel qui nous offre chaque vendredi une nouvelle anecdote musicale sur notre page Facebook. Illusion auditive, ce sont des spéciaux sur des artistes marquants, des thématiques, des entrevues, des sujets reliés à la musique et bien sûr le rock des années 60 à aujourd'hui sous toutes ses formes ou presque. Tous les samedis de 19h à 21h. On jase ton père puis moi, puis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. Tes amis, c'est des gens à fréquenter. Quand ils ont des cheveux longs, ils ont des anneaux dans le nez. On croit juste qu'ils ont une bonne influence sur toi. Tu sors devant le monde avec des gilets troués. T'écoutes plus tes records de la famille Simard. Tu t'achètes plein de disques avec des noms de morts. Puis ta musique du diable, tu l'écoutes pas assez fort. L'autre jour, on t'a pogné à l'écouter. Le vendredi, 22h passées. Puis surtout, c'est que les voisins doivent aussi l'écouter. Je trouve ça décadent, là. Mais c'est vraiment décadent. Pour le meilleur du métal à Québec, vendredi soir, 22h, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. CKRL 89.1. Terra Incognita se poursuit avec Marc Chenet et Michel Bilodeau. Pour entamer la présente demi-heure, on va avoir un nouvel extrait de l'album de la formation italienne Baroque Project, le plus récent album qui a pour titre Time Voyager. Et cette fois-ci, c'est la pièce Voyager's Home. Et puis, du Royaume-Uni, un nouvel extrait de l'album de Brandon Perkins, musicien très prolifique. Et son plus récent album a pour titre Favorite Places. Et c'est la pièce Chinley Chum. Et puis, Marc, après ça, on se dirige du côté de la Norvège. Oui, en effet, avec la formation Troïka, tirée de leur nouvel album, je vais le prononcer de la façon qu'on peut le lire en français, Strobemork, ou en norvégien, ça ressemblerait plutôt à Sontrobemerke. Et on aura pour vous ce soir la pièce Satan's Disco. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord le bloc musical avec une pièce du nouvel album de la formation italienne Baroque Project.

gonna strike it die for a slum run. Du ser deg i speilet og en grå djevel stirrer tilbake. Han begynner å humre. Men vi der så tom og kald. Du vandrer uten sjel og ansikt. På hjørnet står en vakker mann med kolget smil og blod på tann. Og til de fortapte sier han at alle sammen danser helt som kallene på Satans disco. Mörkets första bild. cirkel dans. Jag är en dans på rosa, men här får du ingen tonekrans. Siv cirklar på ett dovent dansegulv. Här finns ingen arvesynd, ingen fåreklädd ulv. Svettet cirklar på ett pyrisk dansegul. Här finns ingen avsändning, en förkläde. Thank you.

Smith, Roger King, le claviériste, et plusieurs autres. On écoute en fait trois pièces ce soir, c'est-à-dire These Passing Clouds, Enter the Ring et Get Me Out. Thank you. Every move, let me out. kokel vie kohti satamaa. Ja valtameren pauhu muut äänet hukuttaa. On lähdettävä ennen kuin suru saavuttaa. Ja maailmojen sauhu auringon samentaa. Kun asemiehen miekka jää oven nojaamaan ja linnoituksen hiekka kadulle valahtaa, on lähdettävä ennen kuin suru saavuttaa. Ja maailmojen sauhu auringon samentaa. Thank you. CKRL 89.1. Enha chicadinha maminha, já quei para a voz lá na fundo ribeirãozinho. E na galope na carreira, já quei para a voz lá na fundo ribeirãozinho. Oi mãe, quando chega lá na ribeira, um pensa que era um canhota, era amor. Um anjinho. Oi, mãe, quando chega lá na ribeira. Vous adorez le sport? Vous êtes un fan inconditionnel de vos équipes préférées? Eh bien, ne cherchez plus! Logo Sport est la référence à Québec. Logo Sport, la seule boutique dédiée à 100% aux produits officiels de vos équipes sportives favorites. Que ce soit la LNH, la NFL, la MLB, la NBA, peu importe, nous l'avons. Mentionnez CKRL lors de votre visite pour obtenir une réduction exclusive de 15% sur tous nos produits à prix réguliers. Logo Sport, la référence à Québec pour les vrais fans de sport. 1028 rue Saint-Jean. Logosportqc.com. Chez Alimentex, chaque mois est synonyme de bonnes affaires. Notre équipe travaille avec nos fournisseurs pour vous offrir des rabais incroyables. Consultez notre circulaire et suivez-nous sur Facebook pour être au courant des dernières offres spéciales. Alimentex, votre épicerie de quartier à Québec. Pour le meilleur du métal à Québec, vendredi soir, 22h, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. Le temps passe, la musique reste. Écoutez les histoires qui se racontent. Les voix qui s'élèvent. Le temps d'une chanson. CKRL 89.1. Dans le prochain bloc musical, on aura une pièce de Stephen Wilson, guitariste britannique bien connu, tirée de son mini-album Four and a Half, paru en 2016, et la pièce Vermilion Core. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on a justement le groupe qui a été fondé par cet artiste. Oui, on va avoir un extrait de Closer Continuation, le plus récent album de Porcupine Tree qui est paru en 2022. Et de cet album, on va avoir la pièce Population Tree que l'on écoute à l'instant. We'll be right back. conclure l'émission de ce soir, on a retenu une pièce d'une formation suédoise qui a pour nom Tretivaariga Cricket, un groupe incidemment qu'on a eu le grand plaisir de recevoir il y a plusieurs années dans le cadre du festival Terra Incognita. Ce soir, on vous présente un extrait du 10e album studio du groupe qui est paru en 2021. L'album a pour titre Till Horizonten et la pièce qu'on a retenue, c'est Vegan Till Horizonten. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèle au rendez-vous et évidemment, on vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour un autre bon 2 heures de rock progressif. Restez à l'écoute, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Thank you.